professionnels, commandez maintenant sur bernard.fr. Expert en hygiène, entretien et sécurité en entreprise, Bernard contribue à rendre vos espaces de travail plus propres, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement pour le bien-être de chacun. Ayez le réflexe bernard.fr. Simple et pratique, Bernard, c'est 20 000 produits d'hygiène, d'entretien et de sécurité livrés rapidement dans vos locaux. Bernard.fr, tout pour faire briller vos espaces de travail. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Pensez l'Europe depuis la Pologne. À la fin du XVIIIe siècle, la Pologne est convoitée, découpée, partagée. Il est difficile de s'affirmer face à des voisins si imposants. Dans un monde en guerre, comment imaginer la paix? Le XIXe siècle est celui de l'épopée napoléonienne. C'est aussi celui du Congrès de Vienne, un équilibre des puissances. C'est également le siècle de l'affirmation des identités nationales. Et c'est dans ce monde qu'évolue le prince Czartoryski, étonnante figure politique culturelle qui, de Varsovie à Paris, a su penser l'Europe. Ici Varsovie RTF. La liberté et l'union des nations mènera à la liberté et à l'union de la société. Après tout, pourquoi pas? Ils ne s'étaient massacrés que par procuration. Souviens-toi qu'il faut plus d'héroïsme pour aller à la mort en découvrant sa poitrine que pour défendre sa vie le glaive à la main. Et il faut bien reconnaître qu'il est avec quelques autres la figure la plus séduisante que la Pologne puisse offrir au monde. Ah, figure séduisante. Bonjour Audrey Kichelewski. Bonjour Xavier Mauduit. Vous nous le présentez en quelques mots. Qui est ce prince Czartoryski qui va être notre héros aujourd'hui? Mais disons-le, c'est plus pour réfléchir à la manière dont les Polonais, les Polonaises ont su penser l'Europe. Oui, alors Adam Jerzy Czartoryski, c'est un aristocrate d'une grande famille polonaise et du reste... comme la plupart des penseurs hein, qui, et des intellectuels polonais qui vont s'intéresser à la question européenne, il fait partie de cette noblesse polonaise et lituanienne. Hein, c'est le fils d'un prince polonais, d'une aristocrate de Lituanie. Il s'est engagé dans l'armée polonaise pendant la guerre contre les Russes, déjà, en 1791, pour défendre la Constitution du 3 mai, une guerre qui se solde par une défaite, par un premier partage. Il s'engage vraiment donc en cette fin du 18e siècle pour la Pologne. Oui, parce qu'il naît en 1770, c'est ça. C'est-à-dire que lui, dans sa jeunesse, il assiste à cela, à ces différents partages de la Pologne. C'est traumatisant, on peut le dire encore aujourd'hui, encore. Quand on parle des partages de la Pologne en cette fin du XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui marque. Partagé entre qui? La Russie, la Prusse, l'Autriche? Tout à fait, c'est ça. Et donc, oui, la Pologne va connaître trois partages. 1772, 1793, donc suite à cette défaite contre les Russes, hein, donc les Polonais s'étaient dotés d'une constitution le 3 mai 1791 et sont écrasés, donc Pologne de plus en plus grignotée. Czartoryski va prendre part à cette ultime tentative de défendre la Pologne donc par les armes avec Kosciuszko en 1794, l'année suivante. Donc, insurrection qui échoue à nouveau, qui aboutit au troisième et dernier partage. Donc 1795, il n'y a plus de Pologne à cette date. Et en représailles de son engagement, Catherine II de Russie va non seulement confisquer ses terres familiales, ses possessions familiales qui sont à présent en territoire russe, c'est-à-dire les trois quarts de sa fortune finalement, hein, et il va être pris en otage, en fait. La seule manière de lever le séquestre de ses terres va être, pour son père, lui est encore assez jeune, de l'envoyer lui et son frère à la cour de Saint-Pétersbourg finalement être un peu otage des Russes. Oui, et puis ce sont des grandes familles, hein, vous l'avez dit, des grandes familles d'aristocrates. Ce sont des princes et c'est une aristocratie cosmopolite, mais c'est ce qui dure encore durant tout le 19e siècle. C'est pas si étonnant que ça, là c'est un contexte très particulier, mais que l'on retrouve ce prince à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et il est même baigné d'une culture européenne, on peut le dire, comme tous les gens de son milieu social. Oui, bien sûr, et puis de toute façon, dans cette cour, il est comme un poisson dans l'eau, il va fréquenter les salons, et va même se lier d'une amitié très profonde avec le futur tsar Alexandre. C'est ce qui va faire qu'il va occuper assez rapidement une place privilégiée dans le gouvernement russe. Il va être d'ailleurs un temps ambassadeur en Sardaigne. Et d'ailleurs, c'est intéressant à ce titre-là parce qu'il va en profiter pour acheter et ramener plus tard à Cracovie, mais déjà ramener dans ses bagages la fameuse Dame à l'hermine de Léonard de Vinci, qui est le clou des collections polonaises encore aujourd'hui à Cracovie. Et c'est une acquisition du prince Czartoryski du temps de son séjour en Italie. Ah, c'est intéressant ça, de le rappeler, parce que ici nous avons quand même un Polonais qui assiste au partage de la Pologne et puis qui se met au service de la Russie. C'est pas un peu enquiquinant ça? Est-ce qu'il y a un mouvement déjà des Polonais qui existe pour retrouver l'indépendance de cette Pologne, on l'a dit, qui, après le dernier partage de 1795, n'existe plus? C'est-à-dire que, oui, effectivement, les Polonais sont divisés sur l'attitude à avoir après cette défaite, après ces partages. Et voilà, une des stratégies qui va être celle adoptée par Czartoryski, c'est d'être finalement en bonne intelligence avec les Russes, pensant et estimant que parmi les puissances qui se partagent la Pologne, bientôt des trois empereurs, entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, sur certains points, le tsar de Russie n'est peut-être pas le pire, et que s'entendre avec lui, faire en sorte d'assouplir ses positions, de l'éclairer et d'avoir une politique moins répressive pourrait faire en sorte qu'une Pologne pourrait renaître sous protectorat russe, avec la bénédiction des Russes, mais d'une manière ou d'une autre, il faut s'entendre avec la Russie qui, de fait, gère l'essentiel des territoires polonais. Oui, c'est un diplomate. Voilà, c'est ça. C'est une option stratégique qui, il n'est pas spécialement isolé là-dessus sur cette question. Donc voilà, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal de défendre les intérêts polonais depuis la cour à Saint-Pétersbourg, mais c'est ce qu'il va tenter de faire, en tout cas dans les premières années de son influence en Russie. Oui, et puis drôlement influent, parce qu'il est même ministre des Affaires étrangères. Nous sommes au tout début du 19e, 1804-1806. Il est ministre des Affaires étrangères, mais à ce moment-là, il se passe quand même des petites choses en Europe, parce qu'il y a un bonhomme qui fait beaucoup parler de lui et qui s'approche tout doucement de la Russie, c'est Napoléon. Mais ça tombe bien, il y a une paix avec un bisou sur un radeau. Un tableau de Gautreau perpétue le souvenir de ce décor où va se dérouler une comédie historique. Le 25 juin, à 1h de l'après-midi, Napoléon s'embarque, accompagné du grand-duc de Berg, du prince de Neuchâtel, du maréchal Bessières, du grand maréchal Duroc et du grand écuyer Caulaincourt. Au même instant, Alexandre quitte l'autre rive, accompagné du grand-duc Constantin, des généraux Bennigsen et Ouvarov, du prince de Labanov et du comte de Lieven. Les embarcations atteignent le radeau simultanément. Acclamé par une foule de soldats et d'habitants du pays, massés le long des rives, les deux autocrates tombent dans les bras l'un de l'autre. Après tout, pourquoi pas? Ils ne s'étaient massacrés que par procuration. Gabriel Timori, qui se fait conférencier pour l'émission Heures de culture française en 1957 et qui évoque le traité de Tilsit, cette réconciliation entre l'empereur Napoléon Ier et le tsar Alexandre, avec donc ce bisou à Tilsit, réconciliation qui a des conséquences énormes pour la Pologne. C'est la renaissance d'une forme de Pologne. C'est difficile toujours de définir en un seul mot ce qu'est la Pologne. Là, c'est un duché. Oui, tout à fait. C'est le grand duché de Varsovie qui va être formé donc après 1807. À ce moment-là, la diète, le parlement polonais va prendre comme pour président le propre père de Czartoryski. Donc Czartoryski, évidemment, est un peu gêné parce que il a son père qui est à Varsovie. Lui est ministre. Alors il est plus ministre, mais il est quand même encore en position en Russie. Donc il va démissionner pour pour pas être pris dans ce conflit de loyauté et va finalement même à un moment donné quitter toutes ses fonctions officielles en Russie, même quitter le pays en 1812. Voilà, il a cette position un petit peu compliquée à ce moment-là parce que c'était lui qui, dès son accession au pouvoir comme ministre des Affaires étrangères, avait envoyé tout un mémorandum au tsar Alexandre pour expliquer une position et déjà même un plan futur de l'Europe dans lequel l'objectif était de contenir les aspirations napoléoniennes qui commençaient à devenir dangereuses pour la Russie. Donc ces propositions, c'était conseil que devrait suivre la Russie hein, pour établir un nouvel ordre européen où déjà l'idée de nation, de droit des nations à l'autodétermination était centrale, que ces nations devaient avoir une constitution voilà, une espèce d'équilibre des puissances hein, pour contenir l'avancée française. Donc, je ne sais pas trop comment il a réagi. Je pense qu'il était content qu'il y ait ce grand-duché, mais ça allait un peu à l'encontre de ce qu'il avait préconisé. Audrey Kitchelewski, vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg. Est-ce que vous venez de nous dire là, et très important, quand nous réfléchissons à cette construction européenne, mais là j'utilise ce mot qui aujourd'hui prend un sens particulier, mais nous sommes au 19e siècle, et il y a l'envie que les guerres cessent, ou en tout cas de protéger un certain équilibre très fragile, et on voit qu'ici, avec le prince Chatorevski, nous avons, parmi d'autres, une pensée pour établir la paix. Et ici, c'est plutôt une idée d'équilibre des puissances, c'est un peu à cela qu'il pense. Oui, tout à fait. Donc, équilibre des puissances. Donc, au début du 19e siècle, quand il est conseiller du tsar Alexandre Ier, c'est pour contenir la France, l'avancée napoléonienne. Et puis, plus tard, lorsque on avance dans le temps, que Napoléon subit des défaites, que le duché de Varsovie, finalement, s'effondre et doit être recomposé après le congrès de Vienne, devenant la Pologne du congrès sous l'égide russe. Alors, Chatorevski reprend sa place. Il est d'ailleurs vice-président du gouvernement provisoire de ce royaume de Pologne sous l'égide russe. Mais il va très rapidement déchanter parce que la Russie n'a pas finalement tenu ses promesses et dans ses écrits, il continue de réfléchir à cet ordre européen, mais d'une manière assez différente à présent, puisque à présent il va passer à l'opposition à la Russie, d'autant que son grand ami le tsar Alexandre Ier va le quitter en 1825 et il meurt et là voilà et donc une belle rupture. Et donc, du coup, il a aucune affinité avec son successeur. Et dans son essai sur la diplomatie, il prolonge son idée d'équilibre européen. Mais là, cette fois-ci, c'est pour contenir la Russie. Et il voit dans les puissances protectrices et dans les modèles à suivre, l'Angleterre surtout, secondairement la France. Oui, parce que c'est vraiment cette idée-là, hein, c'est cette idée d'obtenir la paix. Alors au 19e siècle, parce qu'il y a eu cet épisode napoléonien, ce moment absolument terrible, ce moment terrible de Napoléon qui, en 1807, c'est illicite, c'est la paix avec la Russie, mais très vite, on le sait bien, c'est la campagne de Russie où ça se termine mal. Mais vous savez, Audrey Kitchelewski, quand Napoléon s'en va à Tilsit en 1807, il va chercher la paix, mais ce qu'il trouve, c'est l'amour. Mon ardente, ma polonaise, ce bouquet de roses tendu, par-delà la foule mauvaise, Marie, ton regard suspendu. Sous la glace de ton assaise inaccessible, moi, je sens que sous ta peau coule la braise rouge de ton sang. Marie, douloureuse, Marie, départ, Marie, je pars, Marie, j'ai peur. Je veux graver mes lèvres en rouge sur ton cœur. Serge Lama qui chante Marie la Polonaise. C'est ici Marie Walewska qui nous apporte encore une nouvelle approche de ce que peut être la Pologne du point de vue du reste de l'Europe. Avec Marie Walewska, il y a quelque chose qui nous appelle ici à l'identité polonaise. Elle existe déjà. Le partage de la Pologne, ça a été quelque chose de très marquant. Il y a l'idée que l'on peut reconstruire la Pologne. Oui, d'ailleurs, l'hymne, ce qui deviendra l'hymne national polonais, bien plus tard, lorsque la Pologne va se reconstituer après 1918, il est écrit par les légions polonaises qui combattent en Italie et il dit dans cet hymne que la Pologne n'est pas encore morte tant que nous vivrons et que nous pourrons combattre. Et d'ailleurs, la suite de cet hymne ajoute que Napoléon a donné l'exemple, donc pour le coup, c'est un hymne très pro-napoléonien, mais en tout cas, oui, bien évidemment, l'identité polonaise ne disparaît pas, bien au contraire, elle est renforcée, elle ne va cesser de s'affirmer au XIXe siècle. Oui, parce que le XIXe siècle, c'est le siècle de l'affirmation des identités nationales. Et il faut le dire, combien les Polonais sont observés partout en Europe. C'est très important. Vous avez évoqué, Audrey Kiczelewski, le congrès de Vienne en 1815, après la chute de Napoléon. Cette carte de l'Europe redessinée avec des grandes puissances et l'ensemble est censé s'harmoniser pour éviter la guerre. Formidable. Mais dans cette histoire-là, il y a les Polonais et la lutte des Polonais pour leur indépendance, c'est vraiment quelque chose qui revient sans cesse et on le voit dans la presse, par exemple. Oui, oui, oui, tout à fait. Là, ça va très vite devenir une question polonaise. La question polonaise, elle va agiter toute l'Europe et circuler énormément. Et en particulier après cette fameuse insurrection de 1830, qui elle-même est un écho aux autres mouvements des nationalités. Puisque qu'est-ce qui se passe en 1830 ce sont finalement les Polonais qui refusent d'être mobilisés par le tsar pour aller combattre contre qui ? Contre les Belges qui viennent de réclamer leur indépendance et d'obtenir leur indépendance. Et les Polonais refusent, par fraternité avec ce mouvement des nationalités, refusent. Et c'est ainsi que se déclenche l'insurrection de novembre 1830 en Pologne. Année 1830. Il faut encore mentionner le groupe des sous-enseignes de l'école d'infanterie de Varsovie, dirigé par Piotr Wysocki, dont l'idéal se bornait à réclamer le retour au respect de la Constitution de 1815. C'est dans ce groupe qu'aurait été envisagé le fameux complot du couronnement dont Słowacki fera le thème de sa tragédie de Kordian, et qui aurait eu pour but d'arrêter, ou selon d'autres, d'assassiner le tsar lorsqu'il vint, en mai 1829, se faire couronner roi de Pologne. Plus imaginé que réellement conçu, mais caractéristique de l'état des esprits, ce complot n'eut pas lieu. Wysocki et ses compagnons attendirent. Indécis, souhaitant un prétexte légal pour passer à l'action, Wysocki ne s'y décida que sous la pression des événements extérieurs. Lorsqu'après les journées de juillet à Paris et le soulèvement belge, le bruit courut que le tsar allait envoyer l'armée polonaise à l'avant-garde pour écraser l'hydre de la révolution, Wysocki et ses compagnons, le 29 novembre 1830, appelèrent aux armes le peuple de Varsovie. Jean Bourigui, historien qui s'exprimait dans l'émission Analyse spectrale de l'Occident en 1963 sur cette contestation du congrès de Vienne, de ce qui avait été décidé là. Nous sommes en 1830 et Audrey Kiczelewski, vous l'avez relié déjà à d'autres mouvements de cette année 1830. Il y a en France une révolution il y a la Belgique aussi, et un lien peut-être au fait entre la Pologne et la Belgique. Mais oui, complètement, puisque effectivement, c'est en réaction à ce qui se passe en Belgique, en réaction à cette mobilisation forcée des officiers, des troupes polonaises par le tsar, hein, qui domine complètement ce royaume de Pologne, que ce soulèvement prend forme. Czartoryski est partie prenante, une part vraiment active. Il est président du Conseil provisoire, formé le 3 décembre 1830. C'est vraiment la mise en place de ce qu'il prônait quelques années plus tôt dans son essai sur la diplomatie, avec le droit des nations à l'autodétermination, le libéralisme, les idées des Lumières. C'est exactement tout ce qu'il souhaitait, qu'il espère voir se réaliser. Bien évidemment, ça ne va pas durer, puisque cette insurrection va finalement être réprimée très, très violemment par le tsar. Et Czartoryski, condamné à mort pour participation à cette insurrection, va être condamné à l'exil, ainsi que plusieurs milliers de ceux qui ont participé à cette insurrection. Et comme la plupart d'entre eux, en tout cas un grand nombre d'entre eux, va se diriger vers la France. Mais oui, la France qui est à ce moment-là une des terres d'accueil de tous ces exilés, avec pour la France un vrai lien profond. On le voit bien, hein, ici c'est un moment où beaucoup de Polonais sont à Paris. Alors bien sûr, Czartoryski, non connu, mais enfin il y en a un qui est un tantinet plus connu, c'est Frédéric Chopin. Alors Chopin, lui, pourquoi part-il ? Est-ce qu'on sait pourquoi il quitte la Pologne ? Parce que avec Chopin, nous avons là aussi ce mouvement qui nous fait partir de Varsovie jusqu'à Paris. Oui, alors il n'est pas directement... Il est plus jeune, il n'est pas directement impliqué, mais il fait partie de ces familles. Ils sont nombreux, hein, au final. Il y a quand même plus de 8000... Ce qu'on a appelé en Pologne la grande immigration. Alors c'est sûr que 8500 personnes, c'est pas énorme sur plan des chiffres, mais tout de même, ce sont toutes ces familles d'intellectuels, voilà, d'aristocrates ou de plus petite noblesse qui avaient soutenu de près ou de loin cette insurrection et qui sont condamnés à l'exil finalement. Hein, et donc on va retrouver effectivement Chopin, on va retrouver Mickiewicz aussi, hein, qui sera un historien et un poète très important en France. Bah oui, il est très important parce que bien après sa mort en 1945, c'est-à-dire que on a là avec Adam Mickiewicz une grande figure qui rend hommage André Mazon, qui et on le sent lors d'une cérémonie à la Sorbonne, porte haut la mémoire de ce poète polonais. Mesdames, Messieurs, le poète que nous célébrons aujourd'hui est le plus grand poète de son pays. C'est l'un des plus grands de ce vaste monde slave dont la Pologne est une si glorieuse province. Il appartient d'abord au peuple polonais et il en est la plus haute, la plus pure figure. Mais il appartient aussi à tous ces peuples fraternels que sa voix atteint et émeut encore. Il appartient aux Russes, aux Tchèques et aux Slovaques, aux Serbes, aux Slovènes et aux Croates, aux Bulgares. Il appartient même un peu et beaucoup au bon peuple de Paris. André Mazon, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, avec, quand il évoque ici cette figure d'un poète polonais, Mickiewicz, l'idée que le slavisme serait un lien, et c'est très important encore d'imaginer tous ces liens possibles qui peuvent unir des pays, des nations, des peuples différents. C'est à ce moment-là que l'on voit, dans ce milieu du 19e siècle, cette idée émerger. Oui, tout à fait, et Mickiewicz est quelque part un peu héritier je ne sais pas s'il a eu connaissance des écrits de Czartoryski, mais en tout cas, il y a très clairement une filiation avec vraiment d'un Mickiewicz qui est le père de ce romantisme politique polonais, avec une accentuation de ce côté un peu mystique, religieux, la Pologne Christ des nations, hein, c'est comme ça que la surnomme Mickiewicz. Mais bien évidemment, oui, déjà chez Czartoryski, hein, dans son idée d'ordre européen, il voit bien un ensemble, il y a des sous-ensembles, ensemble français, ou franco, suisse, belge, l'ensemble germanique et un ensemble slave qui est tout à fait distinct, qui ne se confond pas avec la Russie. Hein, c'est intéressant parce qu'il y a aussi des panslaves russes ou pro-russes dont il a pu faire partie initialement, mais dont il s'est complètement détaché par la suite. Donc ce panslavisme voit une unité spécifique à ces peuples slaves. Et d'ailleurs, par la suite, Czartoryski va beaucoup voyager, en tout cas se documenter également sur les Slaves du Sud, les Slaves des Balkans, et accentuer hein, cette réflexion sur le plan slavisme comme point de départ pour un ensemble régional européen, mais inclus dans ce qu'il verrait comme une fédération européenne. Et beaucoup d'intellectuels polonais vont reprendre par la suite cette idée dans leur projet et leur vision de l'Europe. Oui, parce qu'il y a une vision de l'Europe, une réflexion, le panslavisme. Et après, il y a l'application. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et ici, on sent qu'il y a l'idée même d'une fédération. Comment elle se construit, cette fédération? Il n'y a pas d'autorité aujourd'hui, on dirait supranationale. C'est pas du tout ça, cette pensée-là. C'est une collaboration, des accords entre tous ces pays qui ont des intérêts communs. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas étonnant, finalement, qu'on retrouve cette idée de fédéralisme assez fortement chez beaucoup de penseurs polonais au XIXe siècle, parce que elle est quelque part très ancrée dans leur expérience historique. Hein. Rappelons qu'avant les partages, la Pologne, depuis l'union de Lublin, est une fédération, l'Union de Lublin, donc c'est un État polono-lituanien, hein, donc depuis la fin du Moyen-Âge, Le fonctionnement est quelque part fédéral, hein. Donc c'est une habitude qui est bien connue des Polonais, et c'est un principe qu'ils verraient bien voir appliqué à l'échelle régionale, voire à l'échelle européenne, en fait. Donc des nations unies, fédérées par des affinités linguistique et culturel, hein, c'est Czartoryski, c'est vraiment aussi l'un des premiers penseurs de cette partie de l'Europe à penser cette union européenne sur le principe des nationalités et des nationalités sur le plan linguistique. Donc c'est assez intéressant. Voilà, et dans une fédération, donc avec ces ensembles linguistiques qui fonctionneraient sur le plan de la consultation, concertation, de l'arbitrage. Il parle dans ses écrits d'une sorte de Ligue des Nations. Alors, il n'est pas très très précis dans le fonctionnement, mais d'autres après lui édicteront, voire même des constitutions pour l'Europe. Hein, je pense à Jastrzębowski, qui est assez oublié, mais qui, dès 1831, écrit même une constitution pour l'Europe avec 77 articles. Il parle de réunions tous les 3 ans pour ces fédérations régionale, tous les 10 ans pour cette fédération nationale. Il plaide pour un désarmement, pour des négociations, pour faciliter les échanges commerciaux, pour donc vraiment tout est, et donc d'autres penseurs vont vraiment mettre ça plus en application, mais toujours sur cette notion d'un fédéralisme qui selon ces penseurs est la structure la plus à même de maintenir l'équilibre européen, de maintenir la paix, hein. C'est toujours cette idée, hein, dans l'esprit des Lumières, déjà depuis Kant et d'autres avant, de voilà, la paix perpétuelle en Europe. La paix perpétuelle, mais c'est vrai, c'est une vieille idée, cette paix perpétuelle qu'on n'arrive pas à atteindre et qui peut-être serait possible avec cette idée de fédération. Audrey Kieślewski, vous nous le dites, l'expérience polonaise du passé avec le fédéralisme, bah, c'est un ferment de cette pensée. On pourrait peut-être ajouter quelque chose, vous allez me dire si c'est une erreur, mais la Pologne, c'est une monarchie élective. Enfin, l'idée de se réunir et d'élire son souverain, c'est quelque chose qui est dans la culture polonaise de l'aristocratie, mais globalement de la Pologne. Ça aussi, c'est un élément qui peut permettre à tous ces gens, ces Polonais, réfléchissent à une fédération. Ça ne les choque pas, ils savent le faire, ils savent se réunir. Oui, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que ça va aussi distinguer plusieurs... On va trouver... Czartoryski incarne et va incarner encore plus lorsqu'il sera en exil à Paris et qu'il va acquérir l'hôtel Lambert, qui va être vraiment le foyer de l'émigration polonaise, le foyer politique et culturel de cette émigration. Il va incarner cette tendance plutôt monarchiste. Effectivement, c'est vrai que plutôt conservatrice monarchiste. D'autres penseurs avec lui ou après lui seront plus avec des idées, des idéaux plus démocrates. Donc, la manière dont il pense la Pologne à venir peut être différente. Hein, monarchie constitutionnelle, c'est vrai que pour Czartoryski, le modèle, c'est tout de même la monarchie constitutionnelle britannique. Pour d'autres, l'aspiration à un modèle plus démocratique, voire même républicain, pour les radicaux, les plus radicaux d'entre eux, on trouve aussi ces idées-là. Donc, ils sont divisés politiquement. Il n'y a pas de raison. Ils sont en émigration tous, mais ils ont des options politiques très différentes. Néanmoins, tous se retrouvent sur cette question du fédéralisme dès lors qu'ils pensent et qu'ils parlent de l'Europe. Tous, oh non, pas tous, mais enfin beaucoup se retrouvent à Paris. Se retrouvent à Paris. On l'a bien dit, il y a le prince Czartoryski. Il n'y a pas que lui, il y a Frédéric Chopin. Le 1er novembre 1830, Frédéric quitte Varsovie. Il ne la reverra plus. Ses amis l'accompagnent jusqu'à Wola, premier village sur son chemin. Et là, les élèves du conservatoire chantent une cantate composée par Elsner pour la circonstance. Ensuite, on lui remet une coupe d'argent pleine de terre natale. « Souvenez-vous de la Pologne, lui dit l'orateur, de vos amis qui vous appellent avec orgueil leurs compatriotes, qui attendent de grandes choses de vous et dont les souhaits vous accompagnent. » Chopin pleurait en partant. Il emporta précieusement cette coupe pleine de terre polonaise et 19 ans plus tard, elle l'accompagna dans son tombeau. Une émission sur la Pologne au 19e siècle, il nous fallait bien une polonaise de Chopin. Audrey Kieślewski, vous allez me demander, alors je vous le dis tout de suite, polonaise pour piano numéro 5 en fa dièse. C'est Alexandre Katiev qui interprète ici cette polonaise. Et juste avant, nous avons entendu Maria Kasterska, qui est journaliste, écrivaine. Alors, roumaine, mais d'origine polonaise, et qui évoquait la venue à Paris de Frédéric Chopin en 1830 avec cette communauté polonaise à Paris. Qui peut s'expliquer par tous ces exilés? Bien sûr, vous avez parlé de cette grande émigration en 1830. Ce sont des intellectuels en partie qui partent, hein, des gens qui ont pris part à l'insurrection, bien sûr, mais beaucoup d'intellectuels. Et tous se réunissent à Paris. Vous avez cité l'hôtel Lambert. C'est l'hôtel qui se trouve sur l'île Saint-Louis, en plein cœur de Paris. Plutôt bel hôtel, hein, plutôt très prestigieux. C'est là où s'installe le prince Czartoryski. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est indissociable de parler de cette émigration et de ne pas parler de culture. Parce que Czartoryski, déjà, ce n'est pas qu'un homme d'État, c'est aussi un fervent partisan de la culture et la culture polonaise. Bon, la culture en général, j'ai parlé de Vinci, d'Adam Alermin, mais on pourrait aussi rappeler que même avant son exil, il avait été appelé par le tsar Alexandre pour diriger la première université interpolonaise à Vilno, dont il sera le recteur, et il va faire de cette université un haut lieu de la culture polonaise. Et c'est là que Mickiewicz va être formé, hein, et c'est pas étonnant que Mickiewicz, dans un de ses grands poètes, un de ses grands poèmes connus de tous les petits Polonais, il commence par « O Lituanie, ma patrie », ce qui peut être très paradoxal pour celui qu'on nomme le grand poète national polonais. Mais voilà, parce que Vilno, Vilnius, Vilna, c'est le lieu où vont se former tous ces intellectuels devenus des fervents patriotes polonais. Donc voilà, il a toujours, Czartoryski, eu à cœur de défendre cette culture polonaise, et il va continuer de le faire en exil, en fondant la société littéraire à Paris dès qu'il s'y installe. Cette société littéraire va prendre ses quartiers dans cet hôtel particulier sur l'île Saint-Louis qu'il acquiert, donc l'hôtel Lambert, en 1843. Et voilà, donc il est le représentant officieux de la Pologne en exil, mais aussi il incarne toute cette culture qui se rassemble dans cet hôtel Lambert, avec des écrivains, des philosophes, des historiens, et ça contribue beaucoup à nourrir et créer cette identité polonaise en exil, finalement. Et donc cette création d'une identité polonaise, elle doit beaucoup à ce lieu central qui est l'hôtel Lambert. Bon, bah alors ça vaut le coup d'aller faire un petit tour sur l'île Saint-Louis. En 1840, le prince Adam Czartoryski, qui est la figure emblématique de toute la Pologne depuis avant la Révolution française jusqu'à sa mort, le prince Adam Czartoryski, qui était immensément riche, s'était installé là avec un comité polonais qu'on appelait les Blancs, à la différence de Lelével, qui était un rouge, lui était un blanc, c'est-à-dire partisan plutôt, autant que faire se peut, de la solution diplomatique, c'est-à-dire d'obtenir de la tutelle russe que des libertés, comme la liberté par exemple de parler russe, la liberté de pratiquer facilement la religion catholique, la liberté de s'assembler dans des sociétés savantes, soient accordées aux Polonais du royaume du Congrès. Et c'est entre 1840 et 1870 que, d'un point de vue culturel, intellectuel, historique, se sont déployées les grandes heures de la Pologne, et Frédéric Chopin s'est rendu là, en effet, et il faut bien reconnaître qu'il est, avec quelques autres, la figure la plus séduisante que la Pologne puisse offrir au monde. L'historien Laurentès, dans l'émission Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet sur France Culture, c'était en 2014, ce monde polonais qui gravite autour du prince Czartoryski, l'hôtel Lambert, l'île Saint-Louis, mais ce ne sont pas que des Polonais. C'est ça aussi qui est très fort, on l'a dit, hein, combien les Polonais étaient observés de partout en Europe, et particulièrement en France. Et là, on va trouver toutes les grandes figures de la littérature française qui viennent aussi à l'hôtel Lambert. C'est cette diffusion d'idées qui nous intéresse ici toujours. Comment penser l'Europe, en l'occurrence aujourd'hui, depuis la Pologne? Parce que c'est, on l'avait dit tout à l'heure, hein, c'est un monde cosmopolite, celui de l'aristocratie, un monde cosmopolite, celui de l'intelligence qui se diffuse. Et donc, tous ces gens-là peuvent discuter de tous ces sujets. L'idée, c'est la paix en Europe. Nous sommes dans les années 1830, 1840. Le printemps des peuples n'est pas loin. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est incroyable à quel point toutes ces idées circulent, tous ces hommes circulent également. Hein. Donc voilà, on a parlé des Belges tout à l'heure. Il y a beaucoup de connexions qui se font également entre ce mouvement des nationalités polonais et ce qui se passe au même moment en Italie avec les sociétés secrètes, bientôt avec Mazzini, etc. Donc Toutes ces personnes se rencontrent. Ce qui est intéressant aussi, c'est des personnes comme Czartoryski vont observer de près, avec grand intérêt, ce qui se passe un peu plus à l'est, en Grèce. Tchartrissi est un grand adepte et défenseur du mouvement de l'indépendance grecque, un grand philhellène. D'ailleurs, c'est pas pour rien que son essai sur la diplomatie, qu'il ne publie pas sous son véritable nom, mais sous un pseudonyme, le pseudonyme qu'il prend va être celui de Monsieur Toulousan, un philhellène. Il va s'auto-proclamer philhellène pour pouvoir écrire ce qui est à l'époque un pamphlet, puisqu'il est quand même extrêmement critique envers cette Europe du Congrès de Vienne, envers ces trois empereurs et donc envers le tsar en particulier. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas publier sous son vrai nom. Mais ces écrits circulent et sont lus tout de même un peu partout en Europe. Et effectivement, il va observer... profiter de chaque occasion pour rappeler la cause polonaise. Il va, en 1848, être à Berlin, observer également ce qui se passe. Comme ça a été rappelé dans l'extrait qu'on a montré, être plus partisan de la cause diplomatique, donc pas forcément appuyer l'idée d'une attaque conjointe de la Pologne, la France, en tout cas des troupes polonaises, franco-polonaises, même avec la Prusse, contre la Russie. Il serait plutôt partisan encore d'une solution plus pacifique, plus diplomatique. Néanmoins, il observe avec grand intérêt, et c'est pas le seul, ce mouvement des peuples en 1848 qui pourrait donner une chance à la Pologne, qui n'en donnera pas malheureusement une fois de plus. Une fois de plus, c'est important, André Kichelsi. Dans ce que vous nous dites, ce que je retiens, c'est que après l'épisode napoléonien, le congrès de Vienne en 1815 avait imposé une paix, on va le dire, avec l'équilibre de grandes puissances. C'est de la diplomatie, ce congrès de Vienne. Avec des personnages tels que le prince Czartoryski, ça reste de la diplomatie. Mais ils ont compris que cet équilibre des puissances, cet équilibre de la force n'est pas suffisant, en fait, pour maintenir la paix. On sent qu'ils veulent aller plus loin. C'est vraiment cette idée de fédération qui donne ce petit plus à cette pensée. Et il n'est pas le seul, vous l'avez bien dit, ils sont nombreux à le partager. Mais c'est vrai que c'est très intéressant à voir. C'est que l'équilibre de la force, et qui dure facilement jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est pas ça qui va être la solution. Et d'ailleurs, la fin du 19e siècle et le 20e siècle montent nettement. Ces pensées, il les développe dans des ouvrages, vous l'avez dit, mais tout au long de sa vie. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que effectivement lui et d'autres avec lui insistent beaucoup sur ce fédéralisme également, voire même peut-être avant tout parce que ils y voient la seule chance, la seule possibilité d'exister de manière indépendante pour la Pologne. L'enjeu, c'est tout de même, on l'a dit, de voir renaître une Pologne comme un État-nation. Et il n'y a que dans un cadre fédéral que c'est imaginable à l'époque, en tout cas pour Czartoryski. C'est vrai que plus on avance dans le temps, plus l'idée des États-nations qui coopèrent entre eux va finir par émerger. Mais ce fédéralisme est pensé avant tout comme chance et opportunité pour que la Pologne puisse... revivre finalement, parce que dans cette Europe du Congrès de Vienne, la Pologne, elle est un peu un état croupion de la Russie, mais elle n'a pas son mot à dire. Et l'idée, c'est tout de même dans ce fédéralisme que soient réunis les Polonais qui sont partagés dans ces trois grandes puissances. Donc, La Prusse, l'Autriche et la Russie. Nous écoutons le prince Czartoryski. Nous sommes le 3 mai 1861. Un discours. Ne descends pas. Ô ma nation, de cette hauteur sur laquelle les peuples et les puissants sont forcés de te respecter. En y restant, tu ne perdras jamais de vue le but de tes espérances, et tu pourras t'en approcher plus sûrement. Au milieu de tes cruelles douleurs, et du désespoir vers lequel te poussent la trahison et la violence, rejette les tentations de la colère. Ne t'abaisse pas à des combats indignes de toi, qui ne feraient qu'accroître tes maux, si même ils ne consommaient pas entièrement ta ruine. Souviens-toi qu'il faut plus d'héroïsme pour aller à la mort en découvrant sa poitrine que pour défendre sa vie le glaive à la main. La plus grande force sur cette terre consiste à ne pas tenir à la vie. Avoir cette force et en même temps être doux et généreux, étranger à toute idée de vengeance, à tout projet de nuire, même à son ennemi. C'est la vertu par excellence et la véritable raison politique. Anne Toscane-Vudès, dans le cours de l'histoire, qui nous lisait ce discours du 3 mai 1861 du prince Czartoryski. Il meurt quelques mois plus tard, en juillet 1861. Il y a... C'est la vie de cet homme. Il a 90 ans quand il décède. Donc, il a vécu tout ce que nous évoquons. Il a connu la Pologne d'avant, celle de la République des Deux Nations. Il a vu enfant les partages, le monde napoléonien. Il a été du côté des Russes. Il a été proche de l'insurrection 1830. Il est à Paris. Il voit tout ce printemps des peuples. Il assiste à tout cela. Et on sent bien que par son expérience et par sa réflexion sur le temps long, il reste la volonté toujours de paix. C'est quelque chose qui est vraiment mis en avant sans arrêt. Quelque chose qui est très positif malgré tout, et vous l'avez sous-entendu Audrey Kichelewski, c'est dur pour les Polonais parce que l'oppression est terrible. Ils n'arrivent pas à créer ce mouvement d'indépendance. Hein. Oui, c'est vrai que c'est une série d'occasions manquées. 1830, 1848, il y a cet espoir aussi au moment de la guerre de Crimée. Hein. Czartoryski va vraiment soutenir des formations militaires polonaises pour combattre aux côtés de l'Empire ottoman contre la Russie. Il espère aussi une extension du conflit en Pologne, une intervention des Britanniques, des Français pour soutenir une éventuelle insurrection polonaise. Évidemment, ça ne... De nouveau, il n'y aura pas cette intervention espérée. Il est très déçu, finalement, par ce traité de Paris, cette fin de la guerre de Crimée, parce qu'elle affaiblit la Russie, mais finalement, de manière assez provisoire, il y aura assez vite un rapprochement de nouveau avec la France. Et quelques années plus tard, lorsque de nouveau une insurrection, Czartoryski ne sera plus là pour l'avoir en 1863, l'insurrection polonaise contre la Russie en 1863, qui sera à nouveau réprimée de manière très violente, on peut estimer qu'il n'y a pas eu véritablement de renaissance du tout de la Pologne à ce moment-là. Alors, tout de même, le souhait de Czartoryski de voir la France et la Grande-Bretagne se rapprocher un petit peu, on peut le voir vers la fin du 19e siècle, mais il ne sera pas là pour... il n'est pas là. Mais c'est vrai qu'il meurt en 1861. Il aperçoit le traité de libre-échange franco-britannique de 1860. Et puis, quant à l'insurrection de 1863, Audrey Kichelewski, vous l'avez dit, il est déjà décédé. Cette insurrection a lieu en janvier. Ici Varsovie, RTF. Vous venez d'entendre les fidèles de l'église de Saska Kampa, l'une des paroisses de Varsovie, chanter les premières strophes de Boże Coś Polskun, Dieu garde la Pologne. C'est au son de ce cantique, qui est aussi un hymne national, que les insurgés de 1863 se soulevèrent contre l'occupation russe. C'est le chant qui soutint le courage des héros de l'insurrection de Varsovie contre l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est au son de ces strophes que les ouvriers de Poznan marchèrent à l'assaut de la forteresse stalinienne. Paris vous parle, l'émission de 1956 qui évoque cette insurrection polonaise en 1863, l'insurrection de janvier, avec un écho, et on l'entend dans cette archive, toujours ensuite, à différents moments. Et on le sent bien avec tous ces penseurs polonais, avec toute cette histoire polonaise, ça constitue aujourd'hui ce qu'est l'identité polonaise. Et quand il est question du prince Czartoryski, je vous cache pas, Audrey Kichelewski, que je ne connaissais pas plus que ça ce personnage, et je suis ravi de le découvrir grâce à vous aujourd'hui, mais je vois les réactions, les messages que je reçois de Polonais qui disent merci de parler de lui parce que il fait partie de notre identité, comme tant d'autres, tant de poètes. En gros, il n'y a pas que Chopin. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il a un écho, non seulement au sein de l'immigration polonaise en France, avec cet hôtel Lambert dont on a déjà parlé, mais plus largement, finalement, ces idées vont constituer les grands points importants de des point politique, idéologique polonais au 19e, voire même encore au 20e siècle, avec une filiation de ce côté un peu rationaliste, très ancré dans la diplomatie, le réalisme qu'il incarne. Et d'autres vont reprendre, parce qu'il est vrai que dans son essai sur la diplomatie, il a une dimension déjà un peu plus mystique, un peu plus religieuse. Ça va être aussi une autre filiation hein, vers, voilà, avec Mickiewicz, quand on a dit, le Christ des nations, mais aussi avec d'autres penseurs qui vont vraiment plus accentuer cette dimension religieuse, cette dimension rapidement aussi catholique. Hein, et on l'a entendu aussi dans l'extrait, hein, comme on entend ce soulèvement de 1660. L'alliance entre Pologne et catholicisme va se renforcer, en tout cas pour une partie des penseurs polonais, de penser cette nation sur ce plan religieux. On aura toujours un petit peu ces deux visions de la Pologne dans l'Europe qui vont s'affronter presque même encore jusqu'à aujourd'hui. Hein, cet héritage d'une fédération des nations ouverte, tolérante, multiculturelle, multireligieuse, et puis une vision plus orientée vers une morale conservatrice, religieuse et rapidement aussi catholique. Hein. Donc Czartoryski tenait un petit peu sur ses deux jambes et par la suite, hein, on va avoir un petit peu ces deux mouvements qui constituent hein, le cœur, les cœurs identitaires de la Pologne encore aujourd'hui, je pense. Et puis surtout cette idée d'union, de réflexion, parce que on le comprend bien, l'idée n'est pas de pacifier le monde comme Kant avait pu le faire quand il imaginait une paix perpétuelle. Ici, c'est aussi dans l'intérêt de la Pologne de recréer un pays. Mais ce qui est fascinant, c'est que par cette motivation se développent des réflexions sur ce qu'est le fédéralisme, sur comment les peuples peuvent s'entendre entre eux, sur comment les nations peuvent échanger. Et que indirectement ici, on va trouver à la fois la suite de la pensée antérieure d'une paix perpétuelle, et puis le terreau d'une pensée postérieure, c'est dépasser l'Europe du Congrès de Vienne. C'est bien difficile de dépasser l'Europe du Congrès de Vienne. D'ailleurs, pour la Pologne, il faut attendre quel moment pour qu'elle renaisse tel que l'imaginait le prince Czartoryski. Oui, parce que c'est vrai que Czartoryski, effectivement, toute sa vie espérera revoir une Pologne renaître, et ça ne sera pas le cas. La fin du 19e siècle ne voit guère d'amélioration, et effectivement, il faut attendre la Première Guerre mondiale et à l'issue de la Première Guerre mondiale pour que, avec le traité de Versailles, la Pologne, qui figure dans les 14 points de Wilson comme condition pour la paix, hein, une renaissance d'une Pologne indépendante, cette Pologne indépendante se concrétise enfin par le traité de Versailles qui signe la fin de la Première Guerre mondiale. Et ce n'est finalement que assez tardivement au XXe siècle que on va voir une Pologne renaître avec aussi, toujours hein, cet affrontement entre deux grandes figures qu'on va retrouver à Versailles, qu'on va retrouver au début de la Pologne indépendante, entre Joseph Piłsudski d'une part, qui est un peu cet héritier de cette vision plutôt multiculturelle et fédéraliste un peu de la Pologne, et une vision plus ethno-nationale incarnée par Roman Dmowski, un des négociateurs d'ailleurs au traité de Vienne, traité de Versailles pardon, et qui est l'autre pan de la Pologne. Et donc l'affrontement de ces deux hommes, c'est un petit peu ce dualisme que j'évoquais à l'instant. Et c'est ce dualisme qu'on retrouve encore aujourd'hui en Pologne, à chaque élection que l'on a ici, avec notre regard d'Européen, de Français, de se dire mais quel tiraillement et quelle tension connaît ce pays dans son attachement à l'Europe. L'attachement à l'Europe, il est là, il est évident pour la Pologne, mais comme tout attachement, c'est difficile, c'est quelque chose qui se construit intellectuellement et qu'il faut alimenter. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, on va avoir cette Pologne indépendante pendant finalement assez peu de temps, puisque ça va durer juste le temps de l'entre-deux-guerres, une vingtaine d'années, après de nouveau la Seconde Guerre mondiale. Une Pologne qui est occupée, qui disparaît à nouveau de la carte et qui va se retrouver dans l'orbite non plus russe, mais soviétique après 1945. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir... donc dans ce second XXe siècle, de nouveau une pensée de fédéraliste polonais, d'intellectuels en exil qui quittent la Pologne devenue communiste et qui vont penser une renaissance de la Pologne sous une égide fédéraliste. Et on va retrouver des clubs de Polonais avec des Tchèques, avec d'autres intellectuels centre-européens qui vont penser ce fédéralisme européen. Et allez savoir, il lisait peut-être ces clubs-là, le prince Czartoryski, en sortant ses écrits du 19e siècle. Merci vivement à vous, Audrey Kiszelewski, de nous avoir présenté cette histoire de la Pologne, disons-le, cette histoire du fédéralisme polonais. Et puis ce prince. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi Marie Harel n'a-t-elle pas pu inventer le camembert? Le 31 mars 1991, un article du Monde informa ses lecteurs amateurs de camembert que, dans le pays d'Auge, on s'apprêtait à fêter le bicentenaire de l'invention de Marie Harel. Le journaliste racontait, je cite, qu'en 1791, la belle fermière trouva, grâce au conseil du prêtre réfractaire qu'elle avait recueilli durant la tourmente révolutionnaire, le secret de l'affinage d'un fromage fermier fabriqué dans les fermes alentour. Marie Harel a réellement existé. Elle est née en 1761, sous le nom de Marie-Catherine Fontaine, dans une commune proche de Vimoutiers, à quelques kilomètres du village de Camembert, dans l'actuelle Basse-Normandie. Mais, contrairement à la légende, confortée par cet article du Monde, elle n'a pas inventé le camembert. Il est vrai que, dès le XVIIe siècle, cette partie de la Normandie était déjà connue pour la production de ses fromages. Dans son Dictionnaire universel géographique et historique, publié en 1708, Thomas Corneille, le frère de l'auteur du Cid, avait noté qu'il existait dans la région un gros marché où l'on apporte les excellents fromages du pays de Camembert. Mais ces fromages locaux n'avaient ni la forme, ni la tenue du camembert, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour que ce fromage de lait de vache, dit à pâte molle et à croûte fleurie, soit véritablement mis au point. La raison principale de cette innovation est d'ordre technologique. Suite à la création des chemins de fer, les produits locaux purent être diffusés sur une échelle plus large. Mais pour satisfaire la demande croissante en provenance des villes, il fallut collecter le lait dans des fermes qui étaient de plus en plus éloignées les unes des autres. Ces contraintes de transport expliquent que le lait ait subi l'influence du temps et de la température. De grands volumes de lait furent alors acidifiés sous l'effet des bactéries qu'ils contenaient. C'est pour résoudre ce problème qu'après de nombreux tâtonnements, le camembert moderne a vu le jour à la fin du XIXe siècle. Cette évolution dans la fabrication, le transport et la commercialisation des fromages normands a été mise à profit par les descendants de Marie Harel, qui se sont lancés dans la production du camembert à une grande échelle. Toutefois, ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'invention du camembert a été attribuée à Marie Harel. Selon une légende qui prit forme à ce moment-là, elle aurait bénéficié des conseils d'un prêtre réfractaire réfugié à Camembert pour échapper à la police républicaine. Ce mythe prit une tournure officielle grâce à un touriste américain. Convaincu que le camembert avait guéri ses maux d'estomac, il lança une souscription afin d'ériger un monument à la mémoire de Marie Harel. Le 7 avril 1928, Alexandre Millerand, ancien président de la République, inaugura lui-même une statue en hommage à Marie Harel. Les amateurs de camembert et de belles légendes peuvent admirer aujourd'hui encore cette statue à Vimoutiers, sauf qu'elle a perdu sa tête à cause du bombardement de la commune le 14 juin 1944. Mais le visage de Marie Harel est toujours présent sur les boîtes de camembert qui sont vendues dans les grandes surfaces. Merci Gérard Noiriel pour cette chronique moulée à la louche. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet et Anna Holweck, avec à la technique Noé Chabanne. Merci à Jeanne Delecroix, Toscane Viudet, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Mayo Nguizou qui ont préparé cette émission que vous pouvez retrouver et podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France. Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.